Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des enquêtes sur l'infiltration de la Chine communiste en France et dans le reste du monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et les conséquences de cette attaque que nous vivons tous maintenant dans le monde entier, ce qui en fait donc vraiment une guerre mondiale. Et donc je fais des vidéos réservées aux souscripteurs, j'en suis à plus de 220 qui font 45 minutes en moyenne, et de temps en temps, de plus en plus souvent en ce moment, je dois dire, je fais des vidéos publiques, déjà pour casser un peu la censure dont je suis la victime, puisqu'aucun grand média ne parle de moi, évidemment, vous l'aurez imaginé vu les sujets que je traite et la manière dont je les traite, mais aussi pour alerter mes compatriotes sur ce que j'appelle l'opposition contrôlée. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de deux personnes, mais surtout une. C'est Pierre-Yves Rougeron. Donc, il était invité par Mike Borowski dans une émission Gérard Info Live il y a quelques jours. Et donc, je connais bien ces deux hommes personnellement pour avoir milité avec le premier, c'est-à-dire Mike Borowski, et fait rentrer à l'école de guerre économique le second, c'est-à-dire Pierre-Yves Rougeron. Et donc, ces gens-là me connaissent évidemment, me fuient comme la peste et détestent quand je parle d'eux. C'est pour ça que je ne vais pas m'en priver aujourd'hui, puisque je vais les démasquer. Alors Mike Borowski, je m'en suis déjà occupé dans une précédente vie, donc je vais moins m'attarder sur son cas, de toute façon il n'a quasiment aucune importance, mais Pierre-Yves Rougeron est plus influent, hélas, et donc il faut que je m'en occupe, parce que là ça devient vraiment dingue, comme vous allez le voir. Alors je vais m'appuyer sur cette interview que Pierre-Yves Rougeron a accordée à Mike Borowski sur sa chaîne, et je vais en passer quelques extraits et je vais les commenter, ce qui va me permettre de vous expliquer un peu qui est Pierre-Yves Rougeron. Alors peut-être en introduction, je dois dire que je connais Pierre-Yves depuis 2006, je pense, 2007, par là, puisqu'il traîne dans les cercles souverainistes dans lesquels j'ai traîné aussi, Paul-Marie Couteau, l'UPR, Philippot et compagnie. Voilà, moi j'ai connu tous ces gens-là il y a très longtemps, et je m'en suis éloigné assez rapidement, même Nicolas Dupont-Aignan, hein, puisque j'ai fait partie de DLR à l'époque, ça s'appelait comme ça. Je crois que ça s'appelle encore comme ça d'ailleurs, mais quelques mois seulement, avant de me rendre compte de la supercherie à chaque fois, comme à l'UPR, comme... voilà. Mais Pierre-Yves Rougeron, lui, il y est resté, voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'évolue pas, qui est figé dans son souverainisme. En fait, souverainisme, c'est pour ne pas dire marxisme nationaliste, et encore, je suis gentil, parce que j'aurais pu utiliser une autre expression qui vous aura traversé l'esprit. Mais là, je ne le ferai pas pour ne pas être insultant, parce qu'il n'y a pas besoin, il s'insulte suffisamment lui-même en parlant constamment de choses qu'il ne maîtrise pas. Et comme vous allez le voir, d'ailleurs, ça va commencer très fort. Alors, je vais vous annoncer les minutes à partir desquelles je vais prendre les extraits. Mais oui, tout ça pour vous dire que Pierre-Yves Rougeron est venu un jour, parce qu'on se connaissait un peu, avec des amis communs, etc. Il m'avait invité dans une ou deux de ses conférences, puisqu'il a organisé beaucoup de conférences depuis assez longtemps. Et donc, il m'avait invité à venir parler une fois. C'était au local de Serge Ayoub, un Batskin, dont il a été très proche, et il a organisé des dizaines de conférences, y compris de François Asselineau, qui après a eu tout le mal du monde à l'admettre, et une fois qu'il l'a admis, il a dit « Non, mais je connaissais pas Batskin, je savais pas que c'était l'ancien chef des skins, extrême droite, etc. J'ai été piégé. » En fait, c'était Pierre-Yves Rougeron qui l'avait invité. Asselineau savait très bien où il mettait les pieds. J'y étais, donc il y avait des centaines de personnes. Il a parlé 5 heures, il savait plus s'arrêter. C'est un peu Fidel Castro, mais en France et sans le pouvoir, hein, François Asselineau. Et donc, il était resté tout ce temps-là. Donc, il a évidemment menti, il savait très bien où il était, et il connaissait très bien Pierre-Yves Rougeron. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, mais peut-être 2008, puisque moi, je suis diplômé d'un master en intelligence économique de l'école de guerre économique en 2005-2006. J'en parlais beaucoup autour de moi dans ces milieux, parce que j'en étais fier, et puis je faisais la promotion de cette formation, tout simplement. Et donc, Pierre-Yves Rougeron est venu me voir un jour en disant « Écoute Jean, ça m'intéresserait de rejoindre le GE, mais est-ce que tu pourrais me faire une recommandation auprès du directeur Christian Rambulo, avec lequel j'étais en très bon terme ?» Et moi, j'ai dit oui, tout simplement, parce qu'il venait avec sa petite moue pour faire pitié, là, « Jean, s'il te plaît, tu comprends, ça m'aiderait beaucoup. » Bon, donc je lui ai fait cette recommandation, il y est rentré, et maintenant, évidemment, il crie sur tous les toits qu'il est diplômé de l'école de guerre économique. Mais, entre-temps, comment dire ? Je veux pas être trop insultant, donc il faut que je fasse attention. Non pas que je craigne des procès ou quoi que ce soit, mais voilà, il n'y a pas besoin, en fait. Donc, simplement, c'est quelqu'un qui est profondément communiste, en fait, marxiste, mais qui me l'avait caché jusqu'à ce qu'il rentre à l'EGE et qu'il ait plus besoin de moi. Parce que ce gars-là, en gros, il se targue toujours d'avoir des équipes, et mes cadres, et mes machins. Sauf qu'en fait, il se sert des gens, et une fois qu'il n'en a plus besoin, il les jette comme du papier hygiénique usagé. Donc, moi, une fois qu'il était rentré à l'EGE, il n'avait plus besoin de moi, et donc il a commencé à me cracher à la gueule. La première fois, c'était dans une réunion publique où il m'a insulté copieusement, alors je lui avais rien dit, rien fait. Et devant tout le monde, il m'a dit « Toi, tu es un libéral, tu n'as rien compris, on va s'occuper de toi, etc. » Bon, là déjà, moi je tombais des nues, et c'est là où j'ai découvert, je crois que c'était en 2010, c'est là où j'ai découvert que c'était un marxiste, et évidemment, étant libéral conservateur, il m'avait manipulé donc pour le faire rentrer à l'EGE, sans me dire qu'il était marxiste, parce que si je l'avais su à l'époque, je ne l'aurais jamais fait rentrer à l'EGE, évidemment. En tout cas, j'aurais pas, il y serait peut-être rentré, mais sans mon aide. Et donc depuis, eh bien, je ne cesse de le découvrir toujours plus marxiste que la veille. Et comme vous allez le voir dans cet entretien, c'est d'ailleurs le premier extrait que je vais passer. Alors le son n'est pas formidable parce que le PC sur lequel je suis est très bien, mais le son crachote un peu, donc j'ai optimisé au maximum, vous allez voir, mais il y a des petites scories. Bref, vous allez comprendre quand même le message de Pierre-Yves Rougeron. Donc c'est à la 37e minute pour ceux qui voudraient suivre exactement. Alors je suis en vitesse accélérée, pardon. Donc là je vais me mettre en vitesse normale. Oui, je vous conseille de regarder les vidéos en vitesse accélérée, comme ça vous perdez moins de temps. Alors c'est parti. Si tu veux, moi je suis en train, dans les séminaires de formation que je fais pour mes jeunes, de réhabiliter le marxisme appliqué. Parce qu'une bonne étude de classe, ça évite quand même de raconter pas mal de conneries. Tu vois ? Ouais, je vois. Donc Pierre-Yves Rougeron endoctrine nos jeunes, et là je vais être beaucoup moins sympa, beaucoup moins gentil, parce que ce gars-là est dangereux pour notre pays, qu'il veut plonger encore plus dans le marxisme qu'il ne l'est déjà. Il le dit sur un ton évidemment dictatorial, puisque c'est un dictateur, ce type est un dictateur. Il suffit de voir comment il m'a parlé alors que je n'avais rien fait et que je l'avais aidé plutôt à faire des études supérieures. Eh bien, ce gars-là n'a aucun scrupule à vous écraser, d'accord ? S'il a le pouvoir demain, c'est le retour de la guillotine, hein, je vous l'annonce. Il fera pire que Macron, sachant que Macron s'est dit maoïste, donc ils sont dans le même camp, en fait. C'est ça que j'appelle l'opposition contrôlée. Et là, ce qu'il vient de vous déclarer, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il endoctrine, donc, il est très fier d'endoctriner les jeunes avec le marxisme, appliqué, parce que sinon on dit beaucoup de conneries. C'est lui qui en dit beaucoup, mais évidemment il fait une projection. Et Mike Borowski, qui se dit de droite, soi-disant, boit ses paroles sans rien y trouver à redire, ce qui montre bien le tartuffe qu'il est. Et comme vous verrez vers la fin de cette vidéo, quand j'avais manifesté, enfin, milité avec lui, puisque à l'époque il se disait libéral-conservateur, eh bien en fait c'était une très mauvaise expérience, puisqu'ensuite il s'est retourné contre moi sans raison, parce qu'il lui aussi avait viré marxiste. Donc voilà, donc, ça c'est le premier extrait, et donc ça met déjà en train. Donc Pierre-Yves Rougeron est très dangereux, il a été pris sous l'aile de Pierre Jovanovitch, qui lui a fait bénéficier de ses audiences importantes, et de son public, qui est aussi endoctriné évidemment que celui de Macron, c'est les mêmes. Simplement, il y en a un qui est pro-européen, l'autre anti-européen, c'est à peu près tout ce qui les différencie. Tout le reste, à peu près, ils sont d'accord. Et donc, un Jovanovitch qui dit « Nous sommes sous la domination américaine et ultra-libérale », eh bien, Pierre-Yves Rougeron dit la même chose. Et il endoctrine en plus les jeunes dans le marxisme. Donc, entre lui et Macron, qui se dit maoïste, le préfet l'allemand qui se réclame de Trotsky, Marlène Schiappa, qui justifie les déclarations sur Trotsky, Hollande, qui rend hommage à la culture communiste, Jospin, qui se dit fier d'avoir des ministres communistes, Mitterrand, qui avait des ministres communistes, etc., je ne vois aucune distinction, et évidemment, il n'en a pas, mais cette opposition contrôlée est là pour faire croire qu'il y aurait une distinction entre marxistes. Ça n'existe pas, évidemment. Zemmour, pour lequel il a roulé Pierre-Yves Rougeron, je parle, est un marxiste revendiqué aussi, Philippot aussi, et donc on est là-dedans, c'est les énarques, pas Zemmour, mais Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, tous ces souverainistes-là sont des énarques marxistes, puisque l'ENA a été fondée par Maurice Thorez. Ils y baignent tellement dedans que pour eux c'est naturel et tout libéral est un sous-homme pour eux, il faut le savoir. Donc aujourd'hui ils se plaignent dans des manifs que des vaccinés soient supérieurs en droit à des non-vaccinés, mais eux pour eux, il faut le savoir, c'est ce que m'a dit yeux dans les yeux Pierre-Yves Rougeron, je suis un sous-homme à ses yeux, d'accord ? Et tout libéral, conservateur ou pas, est un sous-homme pour Pierre-Yves Rougeron, d'accord ? Donc si demain il est au pouvoir par je ne sais pas quel malheur, il appliquera les mêmes mesures ou pire que Macron envers la partie de la population qui lui déplaît. Okay ? Donc gardez ça à l'esprit. On avance un peu. Alors on va aller à 1h14. Vous allez voir, c'est un festival. Hein. Ça serait trop long parce qu'elle fait 2h. Mais je vous ai choisi quelques extraits les plus croustillants, on va dire. Donc le suivant est à 1h14:50. 90% de la production intellectuelle de qualité est souverainiste. D'accord. Ça, c'est un constat, c'est un état de fait, tu me cites des noms, je te le dis. Voilà. Alors, il prétend sans blague que 90% de la production intellectuelle sérieuse en France est souverainiste. Non, mais franchement. Donc là, soit on rigole franchement, soit on le prend au sérieux et on se dit que ce type est dérangé profondément. Alors, quel souverainiste sérieux Pierre-Yves Rougeron, a écrit sur la Chine communiste de manière sérieuse. J'aimerais bien le savoir. Il n'y en a aucun, puisque tous, comme toi d'ailleurs, roulent directement pour la Chine communiste, puisque tu as déclaré, je te le rappelle, le 5 avril 2020, si la Chine communiste devient première puissance mondiale, on ne va pas pleurer, parce que c'était déjà le cas au XVIIIe siècle, en faisant un anachronisme hallucinant, puisqu'à l'époque, la Chine n'était pas communiste. Donc franchement, c'est débile. Mais voilà, Pierre-Yves Rougeron veut qu'on se réjouisse finalement que la Chine communiste prenne la place aux États-Unis, puisque c'est un anti-américain primaire, inutile de vous le dire. Comme toutes ces masses fanatisées par les discours d'Asselineau, Philippot et les autres, c'est les mêmes de toute façon. C'est tous des anti-américains primaires, mais ils sont tous sur Internet à faire leur promotion. Donc s'ils étaient cohérents, ils devraient utiliser le Minitel, qui est une technologie bien française. Voilà, ça c'est pour la limitation des souverainistes et leur manque de cohérence. Alors, on continue. 1h à 1h19. Évidemment, inutile de vous dire que Mike Borowski ne le reprend jamais, ne lui dit jamais, mais là, tu dis quand même une énorme connerie. Puisque, en fait, ce ne sont pas des interviews, ce sont des polissages de cuir. Voilà. On vous passe de la pommade pendant 2h07:35. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Pierre-Yves Rougeron y va, parce qu'il est absolument certain qu'il ne sera jamais contredit. Et donc, comme Fidel Castro, ou je sais pas, ou Chavez, ou je sais pas quel, ou le gars qui a dirigé Singapour, là, qui est une de ses idoles, voire Xi Jinping, voilà, il va être traité comme le dictateur qu'il aime bien être. Et il refuse le débat parce que c'est un lâche. Je lui ai proposé moi-même le débat, inutile de vous dire qu'il ne m'a jamais répondu. Quand j'avais enquête et débat, je lui ai proposé un débat sur le seul livre qu'il a écrit. Ce gars-là, il se dit un grand intellectuel. Il a écrit un seul livre dans toute sa vie. C'était sur la loi de 73. Il est intégralement faux. D'accord ? Donc non seulement il écrit qu'un seul livre, mais en plus il est faux. Et je lui ai proposé à l'époque un débat avec deux intellectuels, Magali Pernin et Lior Chamla, qui avaient entièrement dézingué sa thèse sur la loi de 73. Et évidemment, il a fui ce débat, parce que c'est un lâche. Et donc, franchement, aller dans les manifs, c'est facile. Débattre quand on est un intellectuel, c'est autre chose. Vous voyez ? Et Pierre-Yves Rougeron ne débat jamais, voilà, parce que c'est un lâche. Et donc, ou alors, il a cette morgue, enfin c'est un peu les deux, il a cette morgue de ne pas vouloir s'abaisser à quelqu'un quand même, comme Jean Robin qui aurait écrit que 46 livres, vous voyez. Franchement. Donc, l'autre extrait est à 1h19:40. De certains commencent un peu à en gonfler. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'à un moment, en guerre, on suit l'homme qui est devant. Hein. Logique, on ne suit qu'un homme qui est devant. Et l'homme qui est sorti le premier de la tranchée, c'est Florian. Point, barre, ligne, c'est comme ça. Ah oui, donc j'ai pris l'extrait un peu après. Il disait « L'anti-philippotisme m'énerve parce que l'homme qui est sorti le premier des tranchées, c'est Florian Philippot. » Donc c'est un homme de main de Florian Philippot, qui est un planqué lui aussi, à qui j'ai proposé un débat sans foi, que je connais très bien. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur Florian Philippot démasqué, c'est sur ma chaîne principale. Et donc, il dit, Florian Philippot est sorti en premier de la tranchée. Ah oui, mais quand on regarde ses déclarations à l'époque, il était pour le masque obligatoire et le confinement, s'il vous plaît. Il trouvait que le gouvernement n'allait pas assez vite et pas assez loin dans ces domaines. Voilà, donc en effet, c'est le premier à être sorti des tranchées pour aller encore plus loin que le gouvernement dans les mesures répressives. Et ça, tout le monde a oublié, parce qu'il a vite retourné sa veste quand il s'est rendu compte que finalement, le gouvernement le rejoignait dans ses mesures liberticides, et donc il fallait faire le contraire. Donc voilà le niveau de Florian Philippot, et maintenant il se targue d'avoir organisé 40 manifestations. Tu parles. Voilà. Alors, on continue, 1h22 et 50 secondes. J'essaie de pas louper le début cette fois. Je fais tout ça en direct, hein, donc. Il irait pour. Alors, le système va nous aider. Je prends la documentation libérale qui est à ma, comment dire, à ma portée, avec la Schwab et machin et trucs. Voilà. Donc là, il dit deux choses très intéressantes. Un, le système va nous aider. Ah, intéressant. Donc ça, c'est typique de l'opposition contrôlée, le système les aide. Mais ça, c'est bien qu'ils le reconnaissent ouvertement. Et il enchaîne en disant, je prends la littérature libérale à ma disposition, Klaus Schwab et compagnie. Donc, ce type est tellement communiste et marxiste, comme vous l'avez entendu, puisqu'il endoctrine notre jeunesse pour qu'elle se suicide, hein, économiquement, moralement, c'est ça le marxisme. Hein. Partout où il y a du marxisme, c'est le suicide économique et social, partout. Donc Pierre-Yves Rougeron n'est pas un patriote, d'ailleurs on ne peut pas être patriote en étant marxiste, je l'ai expliqué 100 fois. Le marxisme vous appauvrit, et vous appauvrit économiquement, moralement, vous rend bête, et donc vous laisse à la merci de n'importe quelle puissance capitaliste qui a compris que c'était le pouvoir, la puissance, si vous préférez. Et donc, Klaus Schwab serait libéral, selon le marxiste Pierre-Yves Rougeron. Rougeron en deux mots, en trois même. Parce que là, il mérite bien son surnom, franchement. Et son deuxième surnom, c'est Pierre, vous voyez, P-Y-R, c'est exactement ça. Donc, Klaus Schwab a déclaré, c'est sa phrase fétiche, il la cite dans le Grand Reset et un peu partout, c'est la phrase, s'il y a une seule phrase pour résumer Klaus Schwab, c'est celle-là. À l'avenir, vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Voilà. Alors ça serait du libéralisme selon le marxiste Pierre-Yves Rougeron. Donc évidemment, ça l'énerve, j'imagine, dans son fort intérieur, que Klaus Schwab soit un marxiste comme lui, puisque à l'avenir, vous serez propriétaire de rien, c'est Marx, d'accord ? C'est du Marx dans le texte, c'est pris sous la copie, sous la dictée de Marx. Donc Klaus Schwab, comme Soros d'ailleurs, qui est anticapitaliste, il l'a dit dans The Atlantic, par exemple, en 97, il a dit la véritable menace n'est plus communiste, mais capitaliste. Donc, le nouvel ordre mondial est communiste, puisque Georges Marchais lui-même, dans sa campagne présidentielle de 1981, appelait à un nouvel ordre mondial politique et économique, d'accord ? Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Cet ordre, Attali, est un socialiste, un socialo-communiste. Il a aidé Mitterrand, qui était en alliance avec les communistes. Donc, il faut arrêter un peu, au bout d'un moment, de nous prendre pour des cons. Donc, Klaus Schwab est un marxiste, mais pour un communiste comme Pierre-Yves Rougeron, c'est évidemment un libéral. Donc, c'est l'inversion totale de la réalité et des valeurs. Ces gens-là marchent sur la tête, ils ne comprennent rien, ils inventent une réalité qui n'existe pas pour rentrer dans leur case, puisqu'il leur en manque une. Voilà ce qui se passe, si on veut résumer la situation. Alors ensuite, 1h42, je pourrais développer encore plus, mais franchement, je préfère être plus succinct. Alors 1h42, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Je vous le mets un peu avant pour pas louper. Ça peut être l'économie bleue. Ça peut être la science. Je vais te donner un exemple. Les Français attendent un grand programme de recherche. Parce que ça les fait bander. On n'aurait pas un mec comme Raoult ne ferait pas 1 million de vues par vidéo si les Français n'étaient pas encore émoustillés par le scientifique. Voilà. Donc, il faut savoir que Rougeron, comme Philippot, comme un peu toute l'opposition contrôlée, à quelques rares exceptions près, sont des fans absolus du professeur Raoult. Donc, D'une part, ils admirent ces audiences, comme ils viennent de vous le dire. 1 million de vues. Ah, vous rendez compte. Donc ça, déjà, ça les intéresse. On ne comprend pas pourquoi Hanouna ne les intéresse pas, puisqu'il fait autant de vues. Hein. Mais bon. Donc, Raoult, ça les intéresse, parce que, en plus, il est pro-parti communiste chinois ultra, et il fait partie de l'oligarchie. Hein, il est membre de la fondation Mérieux, comme Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy est membre du conseil d'administration de l'IHU de Marseille, que dirige le professeur Raoult pour encore quelques jours. Parmi les autres membres du conseil d'administration de l'IHU, vous avez Philippe d'Ousteblasi, ancien ministre de la Santé, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, mais ces gens-là se prétendent anti-mondialistes, bien sûr. Vous avez Renaud Muselier, actuel président de la région PACA, collabo du Parti communiste chinois. Vous avez Geneviève Fiorazzo, ancienne ministre socialiste, dont l'ancien assistant parlementaire était un certain Olivier Véran. Et quand elle était ministre de Hollande, elle a signé 13 partenariats stratégiques avec le Parti communiste chinois. Voilà dans quel milieu évolue le professeur Raoult. J'étais le premier à le révéler il y a plus d'un an, et ces gens-là n'en ont tenu aucun compte. Parce que ces gens-là ne s'intéressent pas à la réalité. Il y a une attaque biologique du Parti communiste chinois qui est lancée sur le monde entier, dans le cadre d'une guerre hors limite, c'est-à-dire non militaire. Ces gens-là tiennent absolument le même discours qu'avant. Ils n'ont tenu aucun compte de la réalité. Ils en reviennent toujours à leur vieille lune du souverainisme, et c'est l'Union européenne, alors que l'Union européenne roule pour le Parti communiste chinois. Et le seul commissaire européen français, Thierry Breton, est membre du Paris Shanghai Club, un des clubs les plus influents du Parti communiste chinois en France, dont font partie également Elisabeth Borne, le patron d'ADP, le patron de Bouygues Construction, Valérie Pécresse, et bien d'autres. Et même un général, Paloméros, un ancien général de l'armée de l'air. Et beaucoup de militaires sur ces 1200 membres dont on ne connaît pas l'identité précise. Là, je vous dis juste les noms que j'avais révélés en mai 2020, quand j'ai fait mon enquête sur eux. Et ils se sont empressés ensuite d'enlever tous ces noms de leur site internet, mais on peut les retrouver dans les archives. Donc voilà, franchement, c'est quoi l'Union européenne ? C'est une annexe du mondialisme, en effet, mais de quel mondialisme ? Parce que il faut rappeler que, je crois que c'était en 2011, Pierre-Yves Rougeron et Pierre Jovanovitch avaient accueilli chaleureusement en France Nigel Farage, qui est ce héros du Brexit, mais il ne l'était pas à l'époque, mais il était déjà évidemment anti-Union européenne, et pour la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et il l'avait reçu, sauf que Farage, lui, c'est un libéral. Donc Rougeron est un tartuffe, tout comme Jovanovitch, puisqu'il crache toute la journée sur le libéralisme, depuis 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps. Mais ils invitent un des héros actuels du libéralisme et de l'anti-Union européenne qu'ils qualifient de communiste. Hein ? Donc là, c'est en contradiction totale avec tout ce en quoi ils croient, et ils y croyaient déjà en 2011 quand ils l'avaient reçu. Mais c'est pas grave. Ce qui les intéressait, c'était de rameuter du monde avec Nigel Farage, de bénéficier de son aura et de récupérer une partie de cette aura, parce que ce sont des... je veux pas être méchant, mais enfin, voilà. Comme ils n'ont rien pour eux, ils sont obligés de récupérer l'aura des autres. Et pourtant, je veux dire, leur projet est complètement à l'inverse de celui de Nigel Farage, qui, lui, au moins, a réussi, alors que eux échouent tout ce qu'ils font. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette... Donc Raoult, évidemment, c'est le collabo de première, collabo de l'oligarchie, collabo du Parti communiste chinois, qui est allé au Chinese Business Club le 8 juillet dernier, et ça non plus, il s'en fout éperdument. Il était pourtant en face d'Anne Lauvergeon, une des pires collabos qui était la Sherpa de Mitterrand. Enfin, on est vraiment dans les pires zoos de l'oligarchie. Eh bien, je connais, moi, certaines personnes qui ont pris conscience de qui était vraiment Raoult à cette occasion-là. Mais Pierre-Yves Rougeron, Mike Borowski, Philippot et tous ces gens-là, non. D'ailleurs, c'est au Chinese Business Club qu'il a fait cette déclaration honteuse selon laquelle les soignants devaient se faire vacciner systématiquement. Hein. Les mots ont un sens. Et suite à ça, Philippot, le héros de Pierre-Yves Rougeron, a dit « Non, mais systématiquement, c'est pas obligatoirement, hein, quand même. » Quelle honte. Donc c'est à ces gens-là que vous faites confiance, pour un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez parce que vous aimez bien Rougeron ou Philippot ou Raoult, tous les trois. Eh bien, il serait temps de vous réveiller, parce qu'ils vous emmènent dans le mur en klaxonnant, et ils vont faire de vous des gens qui vont tenir, vous voyez, la guillotine quand ils arriveront au pouvoir, si jamais un jour ce jour funeste arrive. Bon, on continue. Je vais essayer de ne pas trop m'énerver. Mais c'est difficile avec le totalitarisme. Surtout quand il se présente comme résistant démocratique, je sais pas quoi, c'est difficile. Alors, ensuite, 1h, on arrive vers la fin, vous inquiétez pas. 1h45 et 25 secondes. Voilà, donc je vous répète si vous n'avez pas bien entendu. Mike Borowski dit j'aime bien Éric Zemmour, mais là je comprends pas qu'il soit pas dans les manifs. Et Rougeron répond bah il faut lui demander. Donc ces gens-là, soit sont débiles, soit ce sont des naïfs et des niais. Parce que Zemmour a déclaré sur iTélé, enfin CNews maintenant, il a déclaré je suis pour le pass sanitaire. Donc il n'allait pas manifester contre un truc dont il avait dit quelques semaines plus tôt qu'il était pour. Il a même dit « j'aurais préféré qu'on impose le vaccin à tout le monde » plutôt que de jouer comme ça sur les hauts et des bas, sur... Enfin bref. Donc, ces gens-là, en fait, comme Zemmour fait de l'audience et est un gourou pour tellement de personnes, ils n'osent pas, c'est comme Raoult, c'est comme tant d'autres, ils n'osent pas le critiquer vraiment sur quand il fait des déclarations aussi énormes que celle-là. Moi, je veux dire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « mais voilà, c'est terminé ». Zemmour, lui, c'est l'immigration, c'est etc. Mais là, c'est pas la question. On a tout le monde dans la rue. C'est pas sur l'immigration. C'est pas sur la manif pour tous ou je sais pas quoi. C'est sur la politique d'occupation du Parti communiste chinois qui nous impose la dictature et dont l'oligarchie est la collabo pour relayer ces mesures. Et là, Zemmour, il est nulle part. Voilà. Donc, Borowski et Rougeron n'ont rien compris une fois de plus. Mais bon, ça, c'est pas une surprise. Et alors, on va finir en beauté. Puisqu'ils vont parler de votre serviteur. Et alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un son parfait, mais voilà, on s'en satisfera. Donc, ils vont bien rigoler, là, en parlant de moi. Et je vais leur répondre, puisqu'ils ne le souhaitaient pas. Conservateur. Donc, moi-même, j'ai fantasmé, hein. Oui, ça vaut rien. Bah, c'est... Doctrinalement, ça peut valoir quelque chose. Non, mais je veux dire, ça vaut rien électoralement. Mais par contre, électoralement, c'est peanuts. Ça vaut rien. Électoralement, c'est peanuts. Il n'y a pas de monter ça. Alors, donc là, je fais une petite pause. En fait, il parle du libéralisme, enfin des libéraux conservateurs. Parce que moi, je me réclame de ce courant. Voilà, c'est mon droit. Et effectivement, j'ai milité avec Mike Borowski il y a quelques années, 7 ans maintenant, 8 ans peut-être, dans un groupe que j'avais créé, qui s'appelait Contre-Attaque. Il y avait Claude Reichmann, où il y avait voilà, des gens importants. Et il y avait Borowski et sa compagne, là, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas y revenir dessus. Et donc, on défendait des valeurs libérales conservatrices. Bon, eh bien, eux disent « Oui, en fait, c'est un mirage parce qu'il n'y a rien électoralement. » Et en fait, sans le savoir, ils rejoignent exactement la position de Caroline Forest. Ce qui est quand même pas rien, puisque quand je l'ai rencontrée, Caroline Forest, à sa demande, eh bien, elle m'a dit, ce que je lui demandais, « Mais, Madame Forest, vous êtes pour les minorités, pour la défense des minorités. Moi, je fais partie de minorités en France. Ça s'appelle les libéraux conservateurs. On n'a accès à rien du tout. Moi, je suis censuré de partout. » Je défends des idées qui sont légales, qui sont historiquement en France celles de Guizot, celles d'un certain nombre de gens quand même, Rueff, etc. Donc vous pourriez quand même nous laisser une petite place. Et elle m'avait répondu, vous n'avez aucune place dans les médias parce que vos idées ne représentent rien, ni personne, donc c'est normal que vous soyez censuré. Et donc Borowski et Rougeron disent la même chose, sous prétexte d'élection et d'électoralisme. Ils ne représentent personne au niveau électoral, donc ils peuvent crever. Voilà. Et donc leurs idées sont fausses aussi, c'est surtout ça. Borowski a changé d'idée, soi-disant, parce qu'il s'est rendu compte que ça mobilisait pas assez. Il a dit, oui, on était 15 ou 20 à contre-attaque, voilà tout ce qu'on a fait. Lui, il a des rêves, si vous voulez, de dictateur. Il a appelé au coup d'État, Mike Borowski. C'est marrant, on l'entend plus parler de coup d'État, là, maintenant. Il avait interviewé Rémi Daillet aussi, qui appelait au coup d'État. Donc, en fait, ces gens-là cachent bien leurs véritables idées. Contrairement à moi, j'ai toujours dit ce que je voulais faire, clairement. Mais là, Borowski, bon, bref. Et donc, Rougeron va bien se foutre de ma gueule, vous allez voir. Avec votre ami, Jean-Romain. Ah oui, c'est votre... Je ne veux pas rien ajouter là-dessus parce qu'il va encore faire une vidéo sur ma gueule. et que j'ai pas envie d'entrer dans cette psychose. Tu nous écoutes, on n'a rien dit. On n'a rien dit, on est le PCC, les communistes, les machins. Alors, le diable. Voilà. Donc voilà comment on rigole quand on fait partie de la collaboration française actuelle, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, sans blague, Pierre-Yves Rougeron se dit marxiste, qui endoctrine la jeunesse marxiste par le marxisme et qui en est fier, mais derrière, oui, tu vas dire qu'on est parti communiste chinois, communisme et tout ça. Ce gars est communiste, il le reconnaît au début d'une vidéo, et finalement, quand moi je le taxe de communiste et de marxiste, il prend ça à la légère. Non, j'ai démasqué ces gens-là. C'est pour ça qu'ils rigolent, parce qu'ils sont très mal à l'aise, en fait. Ils savent très bien que je vais répondre à leur vidéo débile, parce qu'elle est vue des dizaines de milliers de fois. Donc moi, c'est rare, quand il y a une vidéo comme ça qui me met directement en cause par le sarcasme ou autre, et à laquelle je ne répondrai pas. Donc, Pierre-Yves Rougeron devait bien se douter que je n'allais pas passer ça, ni Mike Borowski, d'ailleurs. Et donc, je m'occupe de leur cas. Voilà. Donc le Parti communiste chinois, tu le soutiens, Pierre-Yves Rougeron, donc je vois pas pourquoi tu t'en caches aujourd'hui. C'est parce que j'ai bien écouté quand tu parlais et que tu l'as défendu à plusieurs reprises, voilà, comme le marxisme d'ailleurs. Et donc, oui, Jean Robin, il est là. Mais c'est marrant, ces gens-là, et notamment Rougeron, se dit gaulliste. Bon. C'était qui de Gaulle ? Quand il a fait son appel le 18 juin, est-ce qu'il avait 1 million de vues sur Internet ? Alors vous me diriez, Internet n'existait pas, mais enfin, est-ce qu'il avait 1 million de personnes pour l'acclamer, à Londres ou ailleurs, en France, quand il a fait son appel? Non. Évidemment, ils étaient 300 le 14 juillet 1940, sur un bateau affrété spécialement pour fêter le 14 juillet. Ils étaient 300, hein, chiffre symbolique s'il en est. Et donc, si De Gaulle avait eu la même réflexion que Pierre-Yves Rougeron ou que Mike Borowski, mais bon, Mike Borowski se dit pas gaulliste, Rougeron si. Donc, ça, c'est la contradiction fondamentale des gaullistes. C'est un peu comme Dupont-Aignan qui disait, enfin, c'était un autre moment, il disait, un tel est parti de France, comment est-ce qu'il peut être légitime? Oui, mais De Gaulle, il était parti de France, mon gars. Donc, si tu te dis gaulliste, bon. Mais Rougeron, il dit, électoralement, donc déjà, on n'est pas en démocratie, hein, depuis 2005 et le référendum piétiné, Rougeron n'a que ça à la bouche, le référendum piétiné, sauf que il va aux élections. Donc, c'est un tartuffe. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. C'est quelqu'un qui vous mène dans le mur et qui vous fait croire qu'on est encore en démocratie. Moi, j'ai souvent dit, ceux qui vous amènent à l'élection, c'est ça l'opposition contrôlée, parce que l'oligarchie en a besoin pour créer sa légitimité. C'est ce qu'explique très bien Gabin de Vécu. Donc ça, je vous renvoie à ses vidéos sur le sujet. Si vous votez aujourd'hui, alors qu'on est en dictature, très clairement, et de plus en plus clairement, moi, ça fait 15 ans que je le dis, eh bien, c'est comme voter les pleins pouvoirs à Pétain en 40. C'est la même chose. Donc ces gens-là, d'ailleurs, soutiennent Zemmour, qui est ouvertement pétainiste sur certains aspects, donc ça se retrouve. Et puis, aujourd'hui, c'est le marxisme qui est la collaboration, puisque la principale force d'occupation en France, c'est le Parti communiste chinois, hein, qui est bien communiste et qui nous impose le communisme, comme on le voit avec toutes ces mesures du vaccin obligatoire au pass sanitaire, en passant par les masques obligatoires et toutes ces conneries. Tout ça est communiste. Plus on est dans le communisme, plus les communistes comme Rougeron ou Borowski le nient et disent qu'on est en système ultra-libéral, comme Jovanovic ou Michel Onfray ou je sais pas quel débile, franchement, qui est invité systématiquement dans les médias. Onfray est un des Français les plus invités dans les médias. Donc les idées de Pierre-Yves Rougeron sont ultra-médiatiques. Florian Philippot, j'en parle même pas, ça a été le politique le plus invité plusieurs années de suite, hein, quand il était au Front National, et encore aujourd'hui, alors que son parti ne représentait personne, et même Asselineau s'en était plein, Philippot était invité en permanence. Bref, donc ces gens-là font partie intégralement de l'oligarchie, au niveau médiatique, au niveau des idées, marxisme, pro-parti communiste chinois, pro-élection, et donc c'est une opposition contrôlée. Voilà, c'est tout. Et le reste, eh bien, je l'ai dit, donc à chacun de comprendre ce qu'il en est. Et nous, à la Nouvelle France Libre, justement, nous nous réclamons de la résistance, de nos glorieux aïeux, dont certains sont morts en déportation comme mon arrière-grand-père. Et donc, nous agissons comme eux, c'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans le jeu de l'oligarchie qui consiste à aller aux élections aujourd'hui, puisque je ne vous ai pas repris toute la vidéo, mais enfin, en gros, sur les 2h07 d'interview, 95% c'était autour des élections. Voilà. Donc ces gens-là s'écoutent parler, pour ne rien dire ni ne rien faire, s'écoute, se regarde manifester. Ah, regarde, j'ai manifesté, je suis beau, je suis vertueux. Donc en fait, ce sont les ligues de vertu actuelles qui manifestent pour dire qu'elles ont manifesté et pour dire j'en étais, et vous, où étiez-vous? Ah, vous êtes nul. Bon. En fait, et c'est pas dans la rue qu'il faut être aujourd'hui pour être un résistant, puisque ces manifestations, malheureusement, ne mèneront à rien, comme celle des Gilets jaunes n'avait mené à rien, comme celle de la Manif pour tous n'avait mené à rien. Il faut une stratégie digne de ce nom, et celle de nos aïeux pendant la résistance était la bonne, puisqu'elle a gagné, donc c'est comme ça qu'on la juge. Et donc, moi et mes amis, nous la reprenons en affichant un peu partout en France, nous visons les 35 000 communes de France, des visuels anti-parti communiste chinois et anti-oligarchie qui est leur collabo. Voilà comment nous allons monter notre armée, et nous sommes en train d'ailleurs de la monter, une armée non violente, numérique et sur le terrain, sans tomber dans les pièges des manifestations, infiltrées par la police, infiltrées par les médias, manipulées par les médias, et qui ne mène à rien au final, qui fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens. Donc, c'est un peu comme les doses de vaccins, si vous voulez. S'il en faut autant de manifestations, c'est bien que ça ne marche pas. Et s'il faut autant de doses de vaccins, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous aurais permis de découvrir ce guignol Pierre-Yves Rougeron. Et les guignols se rapprochant entre eux, qui se ressemblent, ça semble, Mike Borowski. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le même jour ou la veille de cette vidéo, vous aviez Pierre-Yves Rougeron, encore lui, qui faisait une vidéo avec Adrien Abosi et Philippe Fabry, deux personnes qui se disent de droite, mais ce n'est absolument pas un problème pour eux de parler ouvertement, en ami, en camarade, avec un gars marxiste revendiqué. Et c'est pas dans cette vidéo qu'on l'a appris, il l'est depuis 15 ans, depuis qu'il a commencé à militer, depuis 17 ans que je le connais. Il fait la même chose, c'est-à-dire, je l'ai découvert moi en 2010, donc on le sait au moins depuis 11 ans. Donc c'est de notoriété publique. Et donc s'afficher encore avec ce type-là tout en se disant de droite, que ce soit Borowski, Fabry ou Abosi, eh bien, cela signifie que vous êtes des guignols, comme lui. Voilà. Vous faites alliance avec l'ennemi. Et Abosi, qui ne cesse... Je ferai une vidéo sur Abosi, parce que Abosi ne cesse de critiquer le gaulo-communisme. Eh bien, il est en plein dedans, avec Pierre-Yves Rougeron, avec lequel il fait des conférences communes, etc. Voilà. Donc là, on a les tartuffes démasqués. Et donc, je continuerai, moi, parce que je les connais quasiment tous personnellement, intimement, depuis longtemps, donc je peux tous vous en parler, et ça vous permet de gagner beaucoup de temps avec tous ces guignols, à éviter de les écouter, à manifester avec eux, voire à les soutenir, même financièrement, et tomber dans tous leurs pièges. Je vous remercie pour votre attention, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, vive la Nouvelle France Libre. Au revoir.